Iben, citoyenneté 2005. Et tu regardes ta vie, la société que tu critiques, celle dans laquelle tu grandis. Tu veux la changer en levant le poing, en claquant des doigts, mais t'es pas sur la bonne voie. Tu cries anarchie sans savoir ce que tu dis. Le désordre ou la violence te donneront pas ta chance. Même si tu balances des pavés, ça changera pas la société. Allez mon gars, il est temps de grandir, de lâcher ce drapeau noir qui te fait fuir. La réalité c'est que ton manette passe le commande, mais pas une marionnette. Utilise tes droits et comprends tes devoirs, c'est ça la liberté. La vraie à toi de voir, tu peux crier dans le vide ou aller aux urnes pour choisir ton guide. Citoyen, c'est toi qui décides. Et toi, pourquoi tu me regardes comme ça? T'as peur ou tu me trouves pas comme toi? Et oui, les mecs comme toi, ça existe. Y'en a même qui sont racistes, y'en a même qui sont fascistes. Moi, je résiste à la perversion de la discrimination. Je réponds respect, reste près des autres sans mater leur imperfection. Serrer des mains sans craindre l'affection et embaucher Mohamed si c'est toi le patron. L'égalité, c'est pas seulement une image, un mot gravé sur la mairie de ton village. Et savoir reconnaître qu'on est tous pareils, même si on est différents. J'espère que t'ouvriras les yeux pour devenir plus lucide. Citoyen, c'est toi qui décides. Catastrophe, on se mobilise, c'est quoi cette peur qui te paralyse? Faut faire un geste à ton niveau, faire marcher ton cerveau. Pas t'associer au malheur, mais donner au moins des mouchoirs pour sécher les pleurs. Faut pas qu'on t'implore, faut que ça vienne du cœur. Même s'il manque tes cœurs, faut que t'écoutes, de près ou de loin. Dis-toi que tu seras le prochain, qu'un jour t'auras besoin de quelqu'un. On s'associe pour défendre tes droits, mais tu le vois pas, faut t'activer. Si tu veux qu'on t'aide, faut participer à la vie de ta cité. Tu sais, tu peux être fier de refuser la misère, même si tu mises rien en donnant un coup de main. T'agis pas dans le vide, citoyen, c'est toi qui décides. Toi qui décides. La vie c'est pas rester dans ton trou à mater ton image, ton miroir de la chambre, en espérant bêtement que la richesse, le bonheur tomberont à tes pieds. Bouge ton corps ou ton cœur, reconnais tes frères, les amis, repars sur de bonnes bases. Encourage les tiens, n'attends pas que ça vienne, dis pas que tes parents te retiennent. Tu peux rester planté là, à mater ton égo cupide, à regarder les autres sans être avide. Citoyen, c'est toi qui décides. Citoyen, c'est toi qui décides. Je dédie cette chanson à mon oncle décédé le vendredi 28 janvier en Sicile, dédicace aux enfants.